Chapouti patou, pita-pitou-di-dou-da. J'en ai marre de toi. En as-tu marre de moi? Je m'appelle Jean-Louis Lamar. Voudrais-tu quelques cours de golf? Pas cher, seulement que deux piastres. Ah, deux piastres le coup, deux piastres dans le trou, ça fait aucune différence au bout du compte. Ah, j'en ai marre de mon char et tout, j'en ai marre d'ultra mort et tout, je m'appelle Bobby. Voudrais-tu quelques cours de karaté? Pas cher, seulement que deux piastres. Pas cher, deux piastres le cours, deux piastres dans le trou, deux piastres le cours, deux piastres dans le trou. L'ange d'or, et j'en ai marre quand qui disent que c'est de l'or en bord, c'est de l'or vrai or en bord. Je m'appelle Fernand Gignac, je suis un vrai maniaque. Tu veux-tu des cours de maniaque? Oh oui, un chat, on est dos pesetas, sans Mexique. Oula. Pour t'envoler vers le sud, à Primatique, à bord de mon taxi.